Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbo-Mistassini, M. Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population de Dolbo-Mistassini et des alentours un bon festival du Bleuet et félicite les nombreux bénévoles qui rendent possible l'événement. M. Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles de piscine et autres marchandises estivales. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbo-Mistassini, 88-276-2385. Grosse annonce hier au football au Saguenay. Le retour du football senior après quelques années d'absence. Et question d'en savoir davantage, ben on parle avec celui qui sera l'entraîneur-chef de l'équipe senior, les mercenaires, c'est Pierre-Luc Bouchard. Bonjour Pierre-Luc. Salut Denis. Pierre-Luc, si on parlait un peu du projet, comment ça fait de temps qu'on travaille du côté de l'organisation à faire revivre le football senior? Ça fait plusieurs mois qu'on est sur le projet. Ça fait facilement au moins 8 mois qu'on travaille sur le projet en groupe. On se faisait des rencontres assez régulièrement. Toujours les points chauds qui étaient à la base. Trouver des solutions pour ramener le football en région, ramener l'intérêt chez les jeunes, parce que on a des très bons programmes dans la région, mais malheureusement, on a moins d'inscrits. Vis-à-vis ça, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est donner plus de visibilité au football. Essayer de se rapprocher un petit peu plus de la communauté ici, en s'impliquant un peu plus. Et aussi, en essayant de montrer un bon football sur le terrain. Parce que dans les dernières années, il y en avait du football senior. C'était pas la même organisation. C'était les Montagnards de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais malheureusement, il y avait pas autant d'intérêt parce que les personnes allaient voir les matchs et malheureusement, ça finissait jamais du bon côté. Mm. Jamais un football assez intéressant qui était. Mais j'avais un football qui était serré, comme on dirait. Dans nos débuts, quand moi je jouais, on était une bonne équipe, on avait de très bons joueurs. Ouais. Malheureusement, on n'avait pas de coach, donc c'était comme un peu les joueurs qui décidaient de qu'est-ce qu'on voulait, puis c'était un système qui marchait pas. Nous, ce qu'on a décidé, c'était d'amener vraiment une équipe avec des coachs, avec des gouverneurs qui ont l'expérience de football, qui ont gravité dans le monde du sport, et d'encadrer nos joueurs, puis leur donner aussi des avantages au football, parce que le football, c'est le seul sport au Québec, quasiment, que quand tu es senior, après le collégial ou l'université, ben, t'es obligé de payer, t'as pas d'assurance, puis tu joues au football, puis arrange ça avec tes problèmes. OK, OK. Et nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'offrir des assurances privées. OK. Et on a décidé aussi d'encadrer les joueurs en allant chercher des commanditaires et des partenariats incroyables avec les dépanneurs Maestro, Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Café Bistro Sama, Meshkoutimi, qui nous aide énormément pour nous faire voir, puis nous a aidé aussi pour faire nos réunions, on a fait nos réunions là aussi également. Et beaucoup de personnes sont impliquées là, de près ou de loin là, dans ce beau projet-là. OK. Si on parlait des joueurs, est-ce que vous allez avoir de la misère à recruter les joueurs? Je vous dirais que non. Je vous dirais que avant de se lancer aussi dans le projet, on a tendu des perches. À gauche, à droite, on s'est impliqué un peu, puis la réponse était très positive, autant venant du Lac-Saint-Jean que le Saguenay. Okay. Même à certains endroits à l'extérieur de la région, là, on parle de Como, Rimouski, des places qui n'ont pas d'école de football senior, d'équipe. Puis aussi même dans la région du Québec, des joueurs, des gars qui viennent de la région, qui ont déménagé à l'extérieur, puis qui seraient prêts à faire le voyage pour venir jouer au football dans leur région. OK, OK. Dis-moi, donc le territoire va être de recrutement va être quand même assez vaste. C'est quasiment à l'est du Québec, en fait. Ouais, c'est ça. Puis je te dirais que ce qui est le fun avec le football senior, c'est que c'est comme un petit peu le bassin de recrutement pour le football collégial. On n'a pas de limite. Tu sais, on a un certain respect pour les autres équipes, mais tu sais, s'il y a des joueurs de l'extérieur comme Montréal, Québec, Trois-Rivières, La Beauce, qui sont intéressés à venir jouer avec nous pour tous les services qu'on a, c'est sûr qu'on dira pas non si le joueur est un très bon joueur et qu'il nous permet d'être une bonne équipe. Puis, en plus, que le joueur a une très bonne attitude. Parce que tu sais, on est une organisation qui souhaite ramener le football, l'intérêt des jeunes, ben ça va passer beaucoup par l'attitude des joueurs sur le terrain, en dehors du terrain, et beaucoup par le talent aussi qu'on met sur le terrain. Oui, c'est sûr. Si vous avez une équipe gagnante, ça va monter, les joueurs vont être plus intéressés à jouer, et ainsi de suite. Ça va toujours ça. Ça part d'une organisation solide, hein, à quelque part. Là. Oui, évidemment. Oui, c'est ça. Puis ouais. Avec tous les gouverneurs qu'on a, là, sérieusement, là, c'est incroyable de voir à quel point tout le monde met l'épaule à la roue pour travailler, puis tout le monde tout le monde s'est investi corps et âme, puis c'est vraiment un très beau projet là. Puis depuis hier là, c'est fou là, les messages positifs qu'on a, un super beau projet. Vous faites une très belle job, on est content de voir le football senior revenir dans une belle organisation. Et, sérieusement là, les gens du Saguenay Lac-Saint-Jean sont incroyables là, côté là, support là, de notre projet. Là. Ok, si on parlait un peu du côté d'une synergie. Ce qui va, parce qu'on sait que le football a été magané au cours des dernières années, les commotions cérébrales et ainsi de suite. Il y a de moins, c'est prouvé qu'il y a moins de jeunes qui jouent au football actuellement que là, à peu près une quinzaine d'années. Est-ce que ça, vous allez travailler avec les Gaillards, également les Cougars et les Janois? Oui, Pour voir le football. Oui, c'est ça. Ben, nous, dans le fond, notre devise, c'est une mission, rallions la région. Nous, dans le fond, quand on va avoir des matchs de football, on va inviter toutes les organisations de football de la région à venir assister à nos matchs. On va avoir des arrangements avec les clubs collégiaux aussi pour, tu sais, mettons, ben, vos joueurs, s'ils veulent venir au match, ils ont juste à mettre leur chandail de match. Ça va être gratuit pour les joueurs de football de la région. Le but, c'est vendre le football. Nous, là, on est une OSB. On veut pas faire d'argent en présentant du football. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir du beau football, puis aussi aider les autres clubs de la région. Comme, tu sais, le 1er septembre, on va faire un événement pour aider le Patro de Jonquière. Mais, tu sais, notre prochain événement, on a prévu de faire une autre activité de financement. Mais après ça, pour donner une partie des profits pour un club de football dans la région on l'a pas encore décidé. On va tendre des perches, mais tu sais, il y a toujours des clubs de football qu'on peut aider en donnant un petit peu d'argent pour des achats d'équipements, payer des coachs, tu sais. Le football, ça coûte cher à rouler, puis malheureusement, dans la région, c'est un sport qui est encore un petit peu dans l'ombre du hockey. Fait que nous, on s'est dit, ben, pourquoi pas essayer d'aider un peu à redorer le blason, puis on va essayer d'aider tout le monde en faisant des activités financières, puis en redonnant à notre communauté aussi. OK. Si on parlait un peu du côté aussi des joueurs, c'est des joueurs de quel âge à quel âge, hein? Ça, dans le fond, là, c'est aussitôt que tu as 18 ans, okay, qui a environ 45-50 ans. Il n'y a pas vraiment de limite. Tant que tu es en forme, tant que tu es en forme, tu as envie de jouer au football, tu es capable de jouer au football, t'es pas un danger pour toi-même, ben, t'es le bienvenu dans notre équipe. Mais il y a aussi le fait que nous, dans le fond, on a comme un barème aussi de d'âge, mais on a aussi des restrictions aussi de recrutement. Et nous, tous les joueurs qui sont collégiaux, ben, écoute, on les encourage fortement à aller jouer collégial avec les Gaillards, les Janois et les Cougars. Nous, on sera vraiment pas les gens de personnes à aller leur dire, hey, t'es tanné d'aller au cégep, viens jouer avec nous. Non, le but, c'est que les jeunes restent au football collégial parce que c'est assurément la meilleure école de développement que les jeunes peuvent avoir. C'est des coachs très assidus. Nicolas Menetti, François Laberge, Jean-Philippe Coron-Tremblay, c'est trois coachs incroyables. Ils forment des joueurs incroyables. À chaque année, on a beaucoup de joueurs qui sortent pour aller évoluer au niveau universitaire. Puis, sérieusement, là, depuis que les trois coachs là, sont rendus en poste, là, le football en région va super bien côté collégial. C'est juste au niveau mineur qu'il faut donner un petit coup de pouce. Puis ça va plus loin que le football collégial. Ça va même aller aux écoles secondaires. Si les écoles secondaires fournissent pas assez de joueurs pour le collégial, comment veux-tu que tu au niveau senior? Donc ça va même plus loin. Ça va même plus loin que ça. Non, c'est ça. Puis en plus, ben, on a des très bons programmes de football là, au secondaire dans la région. Tu sais, les Mustangs, qui est une organisation incroyable au Saguenay. C'est Félicien. Toutes les infrastructures qu'ils ont. Les Lynx, Saguenay-Wilbrodifou, qui est une organisation incroyable aussi, qui donne des shows sur le terrain incroyable. Les athlètes qu'il y a là, les championnats qui se sont gagnés là. Les Centurions de Saint-Félicien, qui ont de très bons athlètes aussi. Tu sais, c'est juste qu'il faut, tu sais, il y a certains programmes qui ont un peu plus de discuter, mais il faut juste les aider. Au lieu de dire que ces programmes-là sont mauvais, ben, on va juste aller les aider. Ça donne rien de vouloir rentrer un coup encore plus. On va les aider, on va leur donner des aides financement. On va envoyer des gars, des gouverneurs qui vont aller coacher, donner des coups de main dans les coaching staff. Donc, Pierre-Luc, est-ce que c'est l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou c'est l'équipe du Saguenay? On vise beaucoup le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais le Lac-Saint-Jean, on n'oublie pas que le Lac-Saint-Jean est une très bonne pépinière de développement de joueurs et d'athlètes incroyables. T'sais. Juste aux Jeux olympiques, juste les patineurs de vitesse, combien de patineurs de vitesse proviennent de Saint-Félicien? C'est la même chose au football un peu. Jim Gauthier, Alexandre Gagnon, Philippe Lavoie qui vient de gagner tout dernièrement la médaille d'or avec l'équipe Canada contre le Mexique en finale. Il y a des super bons athlètes dans la région du Lac-Saint-Jean. Puis j'ai déjà tendu des passes avec des gars avec qui j'ai joué, avec qui des gars que j'ai déjà coachés. Les réponses sont très positives. Notre but, c'est d'avoir la meilleure organisation sur le terrain. Fait que nous, que tu viennes du Saguenay ou que tu viennes du Lac-Saint-Jean, si t'es un gars qui t'intéresse à représenter les mercenaires et à être un excellent joueur de football et un excellent ambassadeur pour le football dans la région, t'es le bienvenu. Puis nous, c'est sûr que l'intérêt, c'est sûr qu'on va aller se promener au Lac-Saint-Jean, on va aller parler à du monde, on va aller chercher aussi des partenariats avec des entreprises au Lac-Saint-Jean, si les entrepreneurs sont intéressés, évidemment. Et nous, on est vraiment intéressés à rallier toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Si on parlait maintenant, donc, ça va commencer le printemps prochain, c'est ça? Oui, le printemps prochain, on aura des pratiques hivernales, début février. Okay. 20 janvier, début février, on devrait avoir un camp d'entraînement. OK. Et la Ligue à 12, c'est quoi ça, l'automne prochain, ça? Ça, dans le fond, là, c'est une Ligue d'automne. OK. C'est la Ligue d'automne, dans le fond, c'est il y a les mêmes clubs. Il y a les Braves de la Naudière, il y a les Bulldogs de Laval, il y a les Phoenix de Trois-Rivières. Sauf que là-dedans, tu rajoutes Valleyfield, puis après ça, tu rajoutes Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça, c'est deux équipes qui ne jouent pas, malheureusement, dans la Ligue d'été. Je ne sais pas encore les raisons. J'aimerais bien ça savoir, mais en tout cas, c'est une Ligue, dans le fond, que tant de temps, il n'y avait pas d'unité spéciale. Maintenant, ils ont changé les règles, ils ont ramené les unités spéciales. Unités spéciales, on veut dire botté d'envoi, retour de botté, botté de dégagement, puis retour de botté de dégagement. C'est tout ce qui est unité spéciale, ils n'avaient pas avant. Maintenant, ils ont ramené ça. Puis là, ben, avec le retour de Valleyfield, Saint-Jean-Richelieu, c'est vrai que la Ligue de football d'automne, c'est du très bon calibre aussi. Donc, okay. Malheureusement, ce qui fait en sorte que l'automne, c'est plus difficile, c'est que nous, dans la région, on n'a pas beaucoup de joueurs qui sont entraîneurs. Okay. C'est la saison d'automne, c'est là que le football collégial, puis les footballs mineurs au secondaire, ben c'est là que ça joue. Donc, c'est plus difficile pour certains entraîneurs de pouvoir jouer. Fait que c'est pour ça que, pour cette année, on a décidé vraiment de se lancer cet été. On trouvait ça trop tôt de se lancer cet automne aussi. Puis, on s'est dit, si jamais on peut se lancer à l'automne, on lance le joueur, on va y aller, mais on va miser beaucoup plus sur l'été présentement. OK. Là, tu m'as parlé de certaines équipes. Tu m'as parlé de Valleyfield. Tu m'as parlé de Lanaudière. Tu m'as parlé de beaucoup. En fait, des équipes qui sont à Trois-Rivières. L'équipe la plus proche, je pense, c'est Trois-Rivières. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'équipe à Québec? Cet été, il y en avait une. Okay. L'équipe de Québec s'appelle les Natifs de Québec. Malheureusement, pour une raison quelconque, ils n'ont pas été capables de finir la saison. Manquait de joueurs, les joueurs ne se présentaient pas au match. Donc, ils ont perdu par forfait leurs trois derniers matchs, si je ne me trompe pas. Et là, on est encore incertain si les Natifs de Québec vont revenir. Nous, notre intérêt, soit que les Natifs reviennent, parce que notre but, c'est que la Ligue reste en vie, puis que ben oui. Plus que plus, mieux c'est. Mais tu sais, malheureusement, on ne peut pas contrôler le choix des joueurs non plus. T'sais. On ne peut pas décider à leur place d'aller jouer ou non. Si les joueurs ont décidé de ne pas se présenter au match, c'est qu'il doit avoir une raison en arrière de ça. Moi, je comprends pas non plus pourquoi que la belle région de Québec, avec du gros football comme ils jouent, avec l'Université Laval à leur côté, je me demande pourquoi la région de Québec est pas capable d'avoir une organisation de football ancrée, comme dans le temps, t'avais les Monarques, puis t'avais aussi les Rebelles. C'était deux équipes de Québec, deux très bonnes équipes de Québec. Aujourd'hui, pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'éventuellement, il y a une autre équipe qui va rentrer? Peut-être. Est-ce que les Natifs vont revenir? Peut-être. Et présentement, je me questionne comme toi, Dani. OK. Donc, mais ça va coûter plus cher pour le... Ben, c'est sûr qu'au Saguenay, c'est plus... C'est un petit peu moins dispendieux qu'au Lac-Saint-Jean pour les équipes qui vont jouer à l'extérieur. Mais quand même, là, tu sais, ça veut dire que ça va coûter cher quand même, plus cher au niveau du transport. C'est ça le problème des équipes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quoique, Chicoutimi, c'est moins cher que... C'est moins dispendieux que... du côté d'ici, du plus haut, du haut du lac. Ben, on va vous souhaiter la meilleure des chances. C'est un très, très beau projet et on va avoir sûrement l'occasion de se parler, Pierre-Luc. Ah ben, je te remercie beaucoup, Denis. Passe une bonne journée. Pierre-Luc Bouchard, qui est l'instructeur de l'équipe, de la nouvelle équipe, les Mercenaires.